ça pour moi déloué. Et les jours sans elle me semblent moi longs. Dis-lui quitte à mentir, dis-lui que je réalise qu'elle avait pour moi. Dis-lui, wow, wow, wow, dis-lui, wow, wow, wow, dis-lui, n'importe quoi. Ça pour moi dis-lui que j'ai bien fini, oui, d'être malheureux. Dis-lui que j'aime une autre fille. Dis-lui tout ce que tu jamais, dis-lui, je ne pense à elle quand tu la verras. Dis-lui, oh, oh, oh, dis-lui, oh, oh, oh, dis-lui. What?